إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continue إن شاء الله تعالى l'explication de juz amma la dernière partie du Coran par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala nous en sommes arrivés à surat At-Tin surat At-Tin le figuier donc on continue إن شاء الله تعالى on demande à Allah subhanahu wa ta'ala On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité dans les paroles et dans les actions. Surat At-Tin, le figuier, est une surat mécoise, pré-égérienne. Et cette grande surat comporte beaucoup de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces signes, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. Car comme on va le voir, ces signes prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans son adoration et dans sa seigneurie. Et lui mérite seul à être remercié. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa at-tini wa az-zaytun wa tur sinin wa hadha al-balad al-amin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la traduction approximative par le figuier et l'olivier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il jure ici par le figuier qui est un arbre connu, walhamdulillah. Un fruit, la figue, un fruit qui est connu de tout le monde. Et il jure par l'olivier, aussi un arbre qui est connu, l'olive. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces deux arbres. Pourquoi ? Car il y a dans ces arbres beaucoup de bénéfices et de bénédictions. Ils apportent beaucoup de bienfaits, ainsi que leurs fruits. Il y a beaucoup de bienfaits et de bénédictions dans ces fruits-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré aussi par, par le figuier et l'olivier parce que l'endroit où ils sont en grande quantité est la terre de Cham. Et la terre de Cham, c'est-à-dire plus particulièrement en Palestine. En Palestine, on va voir pourquoi, inshallah ta'ala après. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Watur Sinin » et par le mont Sinaï. Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le mont Sinaï, c'est l'endroit, hein, le mont dans lequel Moussa alayhi salam a reçu la révélation. L'endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé réellement à Moussa alayhi salam. Wa hadha al-balad al-amin. Et ensuite il jure, et par cette cité sûre, on avait déjà parlé dans Surat al-Balad, et ici c'est Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala jure par cette cité sûre qui est Mecca, l'endroit le plus aimé. D'Allah subhanahu wa ta'ala est l'endroit le plus noble. C'est l'endroit dans laquelle, ou dans lequel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, a reçu la prophétie. Naam. Et les savants disent, ceux qui ont expliqué cette sourate, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces trois choses. Donc, wat-tin wa zaytoun, wa tur sinin wa hadha al-balad al-amin. Pourquoi ? Car ce sont des endroits bénis. Car ce sont des endroits bénis. Donc dans le premier, par le figuier et l'olivier, qui se trouvent en grand nombre, comme on a dit, dans la terre de Palestine. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de cette terre Isa alayhi salam. A envoyé Isa alayhi salam. Et par le mont Sinaï, comme on a dit, car c'est l'endroit où Moussa alayhi salam a reçu la révélation. Et par cette cité sûre, Mecca, car de là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne jurait pas par une chose sans qu'il y a une leçon à tirer et qu'il y a des bienfaits et des bénéfices. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir juré par ces signes, il montre ce pourquoi il a juré. D'accord ? Pour bien comprendre, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le figuier et l'olivier et par le mont Sinaï et par cette cité sûre. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré ? Il dit après « Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim » Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Naam. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons certes créé l'être humain de façon complète, hein, c'est-à-dire dans la forme la plus parfaite, car hein, c'est la meilleure créature dans sa droiture. Son corps, il est droit, comme on avait dit. Ses membres sont proportionnels, hein, ainsi que ses sens. C'est la plus belle des créatures, d'une bonne apparence. Comme on a dit, contrairement hein, aux animaux, comment tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Ils sont pas droits, ils marchent sur leurs pattes, ils sont à la tête par terre, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré cet être humain. Hein, il lui a donné une raison pour laquelle il distingue le bien du mal. Est-ce que l'animal, il a une raison? Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré par cela. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il marche droit, la tête en l'air. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toutes ces spécificités hein, que les autres créatures n'ont pas. Mais malgré tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés, hein, tous ces bienfaits immenses qui méritent d'être reconnaissants, la plupart des créatures, la plupart des êtres humains se sont détournés de la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont délaissé son adoration. Et se sont préoccupés à l'amusement et à la futilité. Hein, et ils ont agréé pour leur propre personne des choses viles et méprisables. Et au mauvais comportement. Comme on avait vu aussi auparavant. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ » Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Naam. Et ici, il y a deux explications des savants par rapport à ce verset. Il y a la première explication, donc il parle ici des mécréants, des infidèles, etc. Comme il a dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de façon parfaite. Mais malgré cela, ils mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils désobéissent, ils transgressent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va les ramener au niveau le plus bas. C'est quoi ici? Le plus bas de l'enfer. Le plus bas de l'enfer. Hein? Et ça, c'est la première explication. Et il y a une autre explication de ce verset qui est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Nous l'avons ramené au niveau le plus bas », c'est-à-dire la vieillesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, donc il est sorti du ventre de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné tous ses bienfaits. Il a grandi, il a eu la force de la raison, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait devenir après une personne qui vieillit hein, et qu'il n'a plus de force, hein, qu'il commence peut-être sauf à qui Allah subhanahu wa ta'ala a préservé, il commence à perdre la raison, etc. Donc ensuite, sa forme change, sa force elle diminue, etc. Naam. Et ça, c'est général. Donc le croyant et le mécréant, ça concerne le croyant et le mécréant. D'accord? Et ce qui est plus correct, wallahu a'lam, ce qu'ils disent les savants, inshallah ta'ala, c'est qu'ils parlent ici du mécréant. Hein, de la personne qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Parce que la preuve, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après, il donne une exception. Il dit « Illa allazina amanu wa amilu salihat » Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. « Falahum ajrun ghayru mamnun » Donc ceux qui croient Allah subhanahu wa ta'ala, on avait parlé de ça à la foi, hein, une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, ainsi que les œuvres avec les membres du corps. C'est pour ça qu'il a dit, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, la bonne œuvre, c'est celle qui a deux conditions, la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falahum ajrun ghayru mamnun. Ils auront une récompense jamais interrompue. Ceux-là auront le paradis, où il y aura des délices qui ne seront jamais interrompus. Et on avait parlé de ça auparavant. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? C'est-à-dire, quelle chose, ô toi l'être humain, te fait traiter la rétribution de mensonge? Quelle chose te fait démentir la rétribution de la rétribution? Hein, le jour où chacun sera rétribué selon ses actions. Alors que certes tu as vu parmi les nombreux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui apporte la certitude. Hein? Et parmi les bienfaits d'Allah, ce qui t'oblige à ne pas mécroire dans ce qui t'a informé. Et malgré cela, comme on avait vu, le mécréant il s'enfle d'orgueil et il ne croit pas au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera rétribué selon ses œuvres et il sera châtié dans l'enfer. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Allah subhanahu wa ta'ala, et il mentionne ici, c'est un autre argument. C'est un autre argument sur la résurrection. Le premier qu'on avait cité, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de, s'il est capable de créer l'être humain la première fois, à plus forte raison, il est capable, Allah subhanahu wa ta'ala, de le créer, de le recréer, de le ressusciter après la résurrection. Donc ça, c'est un autre argument, une autre preuve pour ceux qui dément la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Ça, c'est un deuxième argument. Non. Parmi la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il y a une résurrection, il y a les comptes. Non. Hein, pour que, c'est pas dire l'injuste, hein, qui a passé toute sa vie dans la mécréance et dans le reniement, et ensuite ça s'arrête, et il n'y a plus rien. Il n'y a pas de compte et ni de rétribution. Ceci ne convient pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le plus juste, car il est le plus sage, afwan, hein, et le plus juste des juges, na'am. Ainsi que le croyant, celui qui a passé toute sa vie, walhamdulillah, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans son adoration, et une fois qu'arrive la mort, il ne se passe rien, il n'y a pas de compte ni de rétribution. Ceci est en contradiction avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui, le mécréant, qui renie et qui dément la résurrection, a certes quoi? A certes démenti et a certes renié la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a certes dénigré la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage des juges. Il ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de délaisser l'être humain, donc son serviteur. Il œuvre dans cette dunya, dans le bien ou dans le mal, ou dans la foi ou dans la mécréance, et ensuite il n'y a plus rien. Et ensuite, il n'y a pas de résurrection et ils ne seront pas ressuscités, ils ne seront pas jugés, etc. Ceci ne convient pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est exempté de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, dans Sourate les croyants, versets 115 et 116, « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. » Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Non. Donc qu'Allah soit exalté de ce que disent les mécréants. Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés en vain et qu'il n'y aura pas de résurrection et ni de rétribution, etc. Ainsi se termine cette sourate At-Tin le figuier. On passe directement, inshallah ta'ala, à surat, celle qui vient juste après surat al-Alaq. Surat al-Alaq. Naam. L'adhérence. Tayyib. Surat al-Alaq. L'adhérence est une surat. C'est la première surat du Coran qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces versets sont descendus au début de la prophétie. Sont descendus au début de la prophétie. Hein, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas le livre comme on avait vu, ni la foi. Et donc Jibril alayhi sallam est venu à lui avec le message. Et il lui a ordonné de lire. Il lui a dit Iqra. Hein, lis. Hein, Iqra, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout venait sur dans la grotte de Hira. Naam. Et l'ange est venu sous la forme d'un homme, hein, qu'il ne connaissait pas. Et il lui a dit Iqra, lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, je ne suis pas de ceux qui lisent. Hein, je ne sais pas lire. Hein, je ne maîtrise pas la lecture. Naam. Et ensuite, Jibril l'a pressé, c'est-à-dire qu'il l'a il l'a enveloppé, etc. Et une deuxième fois, il lui a dit, c'est-à-dire avec force, hein, jusqu'à ce qu'il lâche, et il lui dit, « Iqra » encore une fois. Il lui dit, « Je ne suis pas de celui, de ceux qui lisent. Hein, je ne suis pas, je ne lis pas. » Et il a recommencé encore une fois à le presser et à le recouvrir avec intensité, jusqu'à le lâcher, il lui dit, « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné dans sa maison en ayant peur, hein, de ce qu'il avait vu, et il est retourné vers son épouse Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha. Il lui a dit, couvre-moi, zammilouni, zammilouni, couvre-moi, couvre-moi, yani. Non. Jusqu'à la fin du hadith, tout le monde connaît l'histoire, inshallah wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Hein, c'est-à-dire, donc il lui dit, lis, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son prophète, au nom de ton Seigneur. Hein, c'est-à-dire, lis en demandant l'aide par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le nom de ton Seigneur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ton Seigneur. Hein, car il y a quoi? Il y a dans cela une tranquillité pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah, son Seigneur, celui qui l'a éduqué d'une éducation spécifique, va prendre soin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre soin de lui. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. C'est-à-dire qui a créé toute chose. Qui a créé toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la traduction approximative, sa parole, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah est le créateur de toute chose, et de toute chose il est garant. Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le deuxième verset, il a spécifié l'être humain. Hein, il dit en mentionnant le début de sa création, le début de la création de l'être humain, خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. Non. Donc il a créé l'homme d'une adhérence. Et on avait parlé ça dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, les différentes étapes de la création, hein, de l'homme. Naam. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. C'est encore un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ici. Ton Seigneur est le très noble. C'est-à-dire qu'il possède beaucoup d'attributs parfaits et immenses. Il possède beaucoup de générosité et de bienfaisance. Et parmi sa générosité, il t'a donné la révélation. Et t'a enseigné afin que tu enseignes, et que tu avertisses et que tu annonces la bonne nouvelle. Et parmi sa générosité, et qu'il a enseigné par la plume. Comme dans le verset suivant. Qu'il a enseigné par la plume. Alladhi 'allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. C'est-à-dire avec laquelle on écrit. La plume qu'on a entre les mains. Hein, c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, par la plume, on écrit la science, les dettes, on écrit le Coran et la Sunna, les paroles des savants, et beaucoup d'autres choses. Donc cela fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui méritent d'être reconnaissants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné par la plume. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'être humain, au début de son affaire, ne connaissait rien. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il ne connaît rien. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à l'être humain, lui, hein, la vue, le cœur. Il lui a facilité les causes de la science. Allah lui a enseigné le Coran. Il lui a enseigné la sagesse. Et il lui a enseigné par la plume, par laquelle on préserve les sciences. Hein, et par laquelle les droits sont précisés, sont écrits. Et la louange appartient seul à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les bienfaits d'Allah sur l'être humain, qu'Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et malgré ça, l'homme est s'enfle d'orgueil et devient rebelle. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il montre ensuite dans les versets l'état de cet être humain. le mécréant ou l'injuste. D'accord ? Avec ses bienfaits, il dit, prenez garde, qu'Alla innal insana la yatora. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Arra'ahu starna. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Donc l'homme, il devient rebelle, il transgresse. Il dépasse les limites, il outrepasse. Ça, c'est sa nature. Hein, l'être humain, de par son ignorance et son injustice, lorsqu'il voit qu'il est riche, il outrepasse les limites, il devient opprimant, il s'enfle d'orgueil sur la guidée. Ça, c'est la nature de l'homme. Sa nature, c'est de dépasser les limites. Hein, quand tu vois, lorsqu'il a l'argent, la santé, la force, lorsqu'il a tous ses bienfaits, il pense qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il s'étonne de sa personne. Lorsqu'il apprend et qu'il devient riche, alors à ce moment-là, il devient orgueilleux. Il dépasse les limites. Ça, c'est le mécréant. Hein? Et malheureusement, des fois, tu vois, il y a des musulmans qui sont comme ça, yani, qui s'enflent d'orgueil. Des musulmans vraiment qui sont faibles. Mais le croyant, lui, fort, le croyant, alhamdoulilah, lui, il n'est pas comme ceci. Lui, il ne verra jamais qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Lui, il est toujours pauvre, toujours indigent. Il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, ô homme, vous êtes indigent ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Donc le croyant, alhamdoulilah, lui, demande à Allah subhanahu wa ta'ala chaque besoin qu'il a, il prend refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout le mal, contre toute chose, yani, quelle que soit sa richesse qu'il a pu avoir, quelle que soit la science, la force, l'intelligence qu'il peut avoir, il sait qu'il ne peut se suffire à lui-même, ne serait-ce qu'un clin d'œil, car il sait en réalité qu'il est faible. Et comme ça, et nos savants, nos grands savants, plus ils ont de la science, plus ils apprennent et plus ils ont de la science, plus ils voient que, alhamdoulilah, ils sont humbles et qu'ils ne connaissent rien. C'est comme ça que le croyant doit être. Mais comme on a dit, l'être humain à la base, sa nature est de transgresser. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran. Il dit, car il est très injuste et très ignorant de sa base. Car il est très injuste et très ignorant. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il le menace. Il menace cet être humain, il lui dit Inna ila rabbika ruj'a. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. C'est-à-dire le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement. Et qu'Allah va le rétribuer selon ses actes. Il va rétribuer cet être humain ingrat, injuste et transgresseur. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يقول ensuite: as-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salat? Ici, comme ils disent les savants, ces versets ils sont descendus sur Abu Jahl au sujet de Hurayra, radiallahu anhu. Il rapporte que Abu Jahl devant la Kaaba et qu'il appelait, et il appelait Abu Jahl, Mohammed pose-t-il son visage sur la poussière parmi vous? On lui a dit oui. Les gens lui ont dit oui. Donc il a juré, il a dit par l'Ath wal Uzza, si je le vois en train de le faire, certes je foulerai son cou. Hein, j'aplatirai son cou, j'écraserai son cou. Ou dit-il, je le roulerai sur le visage dans la poussière. Et par la suite, il se dirigea vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui priait à ce moment-là. Hein, qui, pour soi-disant, lui foulait le cou, lui écrasait le cou. Mais les gens furent surpris de le voir revenir à reculant. Il n'arrivait pas à avancer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été surpris, car il revenait à reculant en faisant des parades avec ses mains, yani en essayant de repousser avec ses mains. Et quand on lui a demandé « Que t'est-il arrivé ?», il dit « Une tranchée de feu, des horreurs et des ailes m'avaient séparé de lui. » Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une barrière entre lui et le professeur sallam. Il a mis des tranchées de feu, hein, des horreurs, subhanallah, et des ailes, hein, qui séparaient de lui. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite dans le hadith, il a dit, s'il s'était approché, les anges l'auraient déchiqueté en morceaux. Subhanallah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla ce qu'on a mentionné dans les versets. Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même, etc. jusqu'à la fin. Naam. Tayyib. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, as-tu vu celui qui est interdit, donc à un serviteur d'Allah de célébrer la salat. Donc ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a interdit de célébrer la salat. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, Ara'aita in kana ala al-huda, vois-tu s'il est sur la bonne voie? C'est-à-dire, vois-tu au toi le mécréant, hein, qui est sur l'égarement, toi qui es sur l'égarement. Hein, vois-tu s'il, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur qui prie, est sur la bonne voie? Hein, la bonne voie qui est de connaître la vérité et de la suivre. Est-ce que celui qui est sur la bonne voie, on lui interdit de prier? C'est pour le réprimander là. Hein? Abdan idha salla, ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa, ou s'il ordonne la piété, c'est-à-dire qu'il ordonne à autre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réforme lui-même et il réforme les autres. Hein, c'est-à-dire qu'il ordonne à autre la crainte d'Allah, la piété. Est-ce qu'il est bon d'interdire à celui qui possède ces caractéristiques, c'est-à-dire de prier, d'être sur la voie droite et d'ordonner la piété? Est-ce qu'il est bon d'interdire cela? Ne fait-il pas partie de la plus grande opposition à Allah subhanahu wa ta'ala et le plus grand combat de la vérité? Car certes, l'interdiction, le fait d'interdire, elle ne se dirige excepté pour celui qui n'est pas sur la bonne voie, ou celui qui ordonne à autrui de ne pas suivre la piété. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ici, Allah, il parle de Abu Jahl. Hein, il a démenti la vérité. Il a démenti le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est détourné de l'ordre, des œuvres. Il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, non seulement il a démenti avec les paroles, et il s'est tourné le dos avec les actions. Il a regroupé entre ces deux crimes, ces deux grands transgression, Yanni. N'a-t-il pas peur, celui-là? N'a-t-il pas peur d'Allah et craint son châtiment? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Ne sait-il pas, ce mécréant, ce transgresseur, que certes Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, voit ce qu'il fait et ce qu'il dit, il entend ce qu'il dit, car Allah n'est pas absent, n'est pas inattentif dans ce qu'il fait. Allah l'entend et voit ce qu'il fait, et il le rétribuera sur ses actes d'une rétribution parfaite. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala le menace après. Il le menace s'il persiste dans son état. Et il dit qu'Allah la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Mais non, c'est-à-dire qu'Allah ici, c'est pour le réprimander, pour le blâmer. S'il ne cesse pas, c'est-à-dire dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, mais comme on va voir après, ça s'adresse à, c'est général ici, c'est à tout le monde, mais on va voir ici que c'est général après, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc ici, il dit, mais non, s'il ne cesse pas, c'est-à-dire, il ne cesse pas d'interdire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la prière, hein, et de vouloir lui faire du mal, s'il ne cesse pas son crime, nous le saisirons certes par le toupet. C'est quoi le toupet? Ce qu'on appelle en langue arabe un nasiya. Nasiya, c'est le devant de la tête. Au niveau des cheveux ici, le devant de la tête. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, nous le saisirons certes par le toupet. Nous le prendrons avec violence et force par le toupet. On le traînera et on le jettera en enfer. Tout cela afin qu'il soit humilié. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Il est un menteur dans ses paroles, un pécheur dans ses actes. Et ensuite il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala en le menaçant, فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Qu'il appelle donc son assemblée, qu'il appelle, c'est-à-dire qu'il, celui qui mérite le châtiment, qu'il appelle son assemblée, qu'il appelle les gens de son assemblée, son peuple, sa famille, ses compagnons qui sont autour de lui, pour qu'il l'aide et pour qu'il lui donne le secours. Qu'il les appelle. Car Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite que s'il appelle son assemblée, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire? Nous appellerons les gardiens. Sanad'u zabaniyah. C'est-à-dire les gardiens de l'enfer. Les anges. Afin qu'ils le saisissent et le châtient. Et qu'ils regardent donc maintenant laquelle des deux groupes est le plus fort, le plus puissant. Est-ce ton assemblée, Abou? Ou est-ce les anges, les gardiens de l'enfer, ceux qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'on leur donne une chose, ils ne désobéissent jamais, ils obéissent. Hein? Et ceci est la situation de celui qui interdit le bien. Hein? Et la menace qu'il subira. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Hein? C'est-à-dire, quant à la situation de celui à qui on a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui ordonne de quoi? De ne pas prêter oreille à celui qui l'interdit, de ne pas lui obéir dans ce qu'il lui ordonne. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Hein, c'est-à-dire, non, ne lui obéis pas, car certes, il n'ordonne que ce qui provoque et amène la perdition dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais plutôt, prosterne-toi pour ton Seigneur et rapproche-toi de lui dans la prosternation. Car c'est l'endroit, quand tu te prosternes, c'est l'endroit où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith. Un des hadiths qui est rapporté par Moussé. Hein, le serviteur, le moment où est plus proche le serviteur de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. À ce moment-là, multiplier alors les invocations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Prosterne-toi et rapproche-toi de lui dans la prosternation et d'autres choses parmi les obéissances, les adorations. Car toutes ces choses, elles te rapprochent de l'agrément d'Allah. Et elles te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, ikhwa, comme on a dit, tous les versets qu'on a parlé, ici c'est général. Ici c'est général. Ça veut dire que toute personne qui interdit le bien, toute personne qui interdit à quelqu'un de pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait Abu Jahl, ou celui qui veut porter préjudice, qui veut faire du mal, il n'aura que le châtiment. Il aura le châtiment de l'enfer. Donc même si ces versets ont été descendus concernant Abu Jahl, qui a interdit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de prier et qui lui a porté préjudice, etc., hein, comme on l'a dit, ceci est général. Elle s'adresse à tous ceux qui interdisent aux gens de faire la prière, par exemple, hein, et à leur porter préjudice et vouloir les empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Tous ces gens, ils seront rétribués selon ce qu'ils font, et Allah subhanahu wa ta'ala les saisira par le toupet et les jettera. Ils seront traînés par le tout-père et les jettera en enfer. Allah nous en préserve. Naam. Ainsi se termine cette grande sourate. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم إن شاء الله تعالى il nous reste peu de temps pour finir toutes ces sourates. On va essayer de à la fin d'abréger un petit peu إن شاء الله تعالى, tout en restant clair, afin que la personne comprenne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il médite sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de finir cette explication de Juz'amma. Amin. On se retrouve demain, Inch'Allah, ta'ala. Prochain rendez-vous ce soir, Barakallahu fikoum, à 22h, avec notre frère Youssouf Abu Abdel Razzaq. pour les paraboles dans le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.